présence, une chaleur, des fleurs pour commencer. Une enveloppe et un cœur pour ne pas l'oublier. Il y a quelque part quelqu'un qui voit sans être vu. Quelque part, quelque part.